actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, de Paul Sarrès, actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1961, troisième émission. Aujourd'hui, sujet unique pour illustrer l'année, le cinéma, avec deux créateurs et autour de deux films marquants. Un film français, l'année dernière à Marienbad, et un film italien, mais avec une distribution européenne, Rocco et ses frères. Luchino Visconti étant l'invité du Masque et la Plume. On commence par le film d'Alain René. Et c'est le scénariste qui est l'invité d'André Gillois sur France 3 National. Bonne séance. Défendez-vous, une émission d'André Gillois avec le concours de Jean-Pierre Morfet, assistante Michel Pietri. Aujourd'hui, défendez-vous Monsieur Rob Grillet. Tout le monde sait qu'Alain Rob Grillet représente le nouveau roman. Mais ce n'est pas là-dessus que nous allons l'attaquer au moins tout de suite, mais sur son œuvre cinématographique, l'œuvre dont il est en tout cas le scénariste, l'année dernière à Marienbad. Ce film continue à triompher devant des salles combles et une partie des spectateurs sort de la salle assez déçus. Non pas que ces spectateurs n'aient pas compris, d'abord parce que personne ne voudrait avouer n'avoir pas compris, mais parce qu'ils s'ennuient. Alors, on vous le reproche, bien entendu, et je vous demande de vous défendre. Oui, c'est vrai que beaucoup de spectateurs sortent un peu insatisfaits. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que beaucoup de ces spectateurs insatisfaits retournent le voir. Par conséquent, ils ne sont pas contents, c'est vrai, mais ils ne sont pas seulement ennuyés, ils sont aussi intrigués, n'est-ce pas ? Ils ont l'impression que peut-être ils ont eu tort de s'ennuyer. Évidemment, du point de vue des auteurs, ils ont tort de s'ennuyer, les spectateurs. Mais ce qui nous rassure, c'est que il semble qu'un même spectateur peut ne pas marcher une fois, et puisqu'on en a dit le mot, mettons, s'ennuyer, et aussi bien une autre fois, marcher tout à fait et participer à ce film pleinement et avec passion. Je crois que c'est un film qui demande une participation de la part du spectateur plus grande qu'un film ordinaire. Si bien que, quand un Un spectateur va au cinéma, c'est parce qu'il va au cinéma une fois par semaine, il a décidé d'aller au cinéma ce soir-là, et souvent, il va voir aussi bien un film ou un autre, il va sur les Champs-Élysées, il choisit entre une salle ou une autre, il n'est pas forcément disposé ce jour-là à recevoir le film en question. Vous voyez, on peut peut-être comparer Marion Bad plutôt qu'à un film du type, mettons, La Vérité de Clouzot, à un concert, à une œuvre musicale. Et il arrive très souvent que devant une œuvre musicale que nous aimons, et que nous savons par expérience que nous aimons, nous nous trouvons brusquement, un certain soir, vide, nous n'y comprenons plus rien, nous nous ennuyons. Moi qui suis passionné, mettons, par les quatuors de Bartok, eh bien un jour où je ne les entends pas, c'est-à-dire où je ne participe pas à la musique en l'entendant, eh bien je m'ennuie, n'est-ce pas ? Vous proposez en somme des images à la rêverie des spectateurs. À la rêverie, le mot rêverie est trop vague, à la participation des spectateurs. J'ai l'impression qu'il y a dans Marion Bad les mêmes rapports entre le héros et l'héroïne qu'entre les auteurs et les spectateurs. Oui, mais je voudrais faire une comparaison avec une œuvre du même ordre, si vous voulez, à laquelle vous n'avez pas participé, mais qui est du même metteur en scène, Alain René, qui est Hiroshima. Dans Hiroshima, il y avait, si vous voulez, les mêmes qualités plastiques, mais il y avait une histoire que l'on racontait. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'hostilité à Hiroshima et beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cela, mais il y avait une espèce d'envoûtement immédiat, tandis que là, il y a un envoûtement, si vous voulez, mais qui vous lâche à un certain moment, oui. Parce qu'on a l'impression que toujours se répètent les mêmes effets. Il y a une espèce de distance, peut-être, entre l'envoûtement. Le phénomène de l'envoûtement est certain. Il y a un tas de gens qui disent à la fois qu'ils sont fascinés et qui ne marchent pas. Ce qui est très curieux, n'est-ce pas ? Comme si la fascination s'exerçait avec une distance, comme à travers une paroi de verre, quelque chose comme ça. Mais là aussi, n'est-ce pas, pour certains jours, pour certains spectateurs, à certains moments, la chaleur qui leur manque à certaines représentations est tout simplement une chaleur qu'ils ne mettent pas, probablement. Quelle différence y a-t-il entre Marion Bad et Hiroshima ? Probablement que dans Hiroshima, la vérité de l'histoire racontée n'est jamais mise en question. Tandis que ce qui est nouveau dans Marion Bad par rapport à Hiroshima, c'est qu'on ne peut même pas dire qu'il s'agit de la mémoire, qu'il s'agit d'une histoire passée que les héros sont en train de reconstituer, ce qui est le cas pour Hiroshima, n'est-ce pas ? Mais qu'au contraire, il s'agit de la création d'une histoire dans Marion Bad. Et une création perpétuellement douteuse, perpétuellement remise en question par les créateurs eux-mêmes, comme si le narrateur lui-même n'y croyait pas constamment. Et d'ailleurs, à la question « S'est-il vraiment passé quelque chose l'année dernière à Marion Bad ?», je réponds personnellement « Je n'en sais rien et probablement non. » Ou ça. Vous parliez de musique tout à l'heure. En effet, je pense que ce film repose beaucoup sur l'art du contrepoint. Un contrepoint entre le réel ou bien entre le possible et l'incertain. Et oui, je voulais justement, puisque vous parliez des rapports que les personnages ont entre eux et que vous effleuriez le point de véracité de l'histoire, je voulais vous demander quand même quels étaient pour vous les rapports des personnages. Ou plus exactement, si vous voulez, je puis vous proposer mes interprétations et vous apercevrez que vos spectateurs vont peut-être même au-delà des intentions des auteurs. Il y a la première interprétation possible, c'est qu'en effet, l'histoire n'a pas eu lieu l'année précédente, mais que l'homme l'utilise. Interprétation sommaire et que j'écarte assez rapidement, si vous voulez, pour séduire la femme. La deuxième, pour se créer un présent en se créant un passé. J'ai été un peu surpris quand vous disiez dans votre préface que c'était l'histoire d'une persuasion, ou alors je crois qu'il faut prendre persuasion à tous les sens du mot, naturellement. Ça pourrait être un sujet de votre vie, enfin, un monsieur essaie de persuader une dame qui s'est rencontrée l'année précédente pour arriver plus facilement à ses fins, il a choisi de tirer sur elle avec un fusil à canon recoudé, ça pourrait être absolument une histoire qui se passerait en trois épisodes, autrefois, en 1920, une scène dans une boîte de nuit de Tzigane, une scène dans une chambre, et puis finalement la scène efficace dans la villa de Deauville. Donc je crois que celle-là, on peut l'écarter. La deuxième interprétation pourrait être, au fond, que l'histoire n'est pas à considérer à travers l'homme, mais qu'elle est, au fond, à considérer à travers la femme. Et que l'homme est une création des fantasmes de la femme. Oui, c'est la seconde interprétation. Et alors, j'irai jusqu'à une troisième, si vous permettez, et après, je vous demande tout à fait votre avis. C'est que ni l'un ni l'autre n'existe. C'est que chacun est une création de l'autre, chacun n'existant pas d'ailleurs, et qu'on entre alors là, si vous voulez, dans quelque chose qui est tout de même un de vos thèmes, c'est-à-dire une sorte de labyrinthe de miroir qui se reflète perpétuellement sans avoir rien à refléter. Oui, j'aime assez cette troisième solution. Je la présenterai peut-être un peu différemment. C'est chacun qui crée l'autre, mais c'est peut-être l'écriture qui crée les deux. Il s'agit d'une écriture cinématographique, bien sûr, puisque c'est un film, mais c'est ce qui se passe un peu dans mes romans, Le Labyrinthe en particulier, n'est-ce pas ? Comme si les personnages n'existaient pas avant l'histoire, enfin avant le film ou avant le roman, et qu'ils étaient créés peu à peu par l'écriture qui se persuade elle-même, n'est-ce pas ? Ce qui fait que, évidemment, aucune notation de vérité ne peut être ajoutée par l'auteur. Et d'ailleurs, à la question « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose l'année dernière à Marienbad ?», je réponds au début du film « Non ». À la fin, oui, puisqu'elle part avec lui. Mais on s'aperçoit à ce moment-là qu'on est à Marienbad. L'année précédente. Et que l'histoire qui a été racontée au passé tout le temps, eh bien, elle a seulement eu son existence maintenant et ici, n'est-ce pas ? Qu'il n'y a pas eu une année entre le début du film et la fin, mais 1h32 exactement, qui est la durée du film. C'est en cela, alors je crois, qu'on peut marquer, si vous voulez, la différence avec une référence que l'on pourrait trouver, qui serait Pirandello, par exemple. De la même façon que dans Chacun sa vérité, il n'est pas extrêmement important de savoir si l'héroïne, toujours absente et qui n'apparaît qu'à la fin, est la fille de M. Ponza, est la femme de M. Ponza, ou la fille de Mme Frolla. Chez vous, il y a peut-être, en effet, cette incertitude, mais au lieu d'être, chez Pirandello, une construction voulue pour créer le doute sur l'identité et sur la vérité des situations, chez vous, c'est un doute qui se développe à mesure et que c'est à force de doute que vous arrivez à la vérité. Si vous voulez, à moins qu'il y ait quand même en même temps une espèce de destruction de l'idée de vérité. Mais là, il y a quelque chose de très curieux chez le spectateur qui aimerait toujours que l'auteur en sache plus long que ce qu'il dit, n'est-ce pas ? Et alors, quand on me demande, mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire ? Je me replace à ce moment-là dans la position du spectateur, simplement d'un spectateur privilégié qui connaît bien le film pour l'avoir vu très souvent et l'avoir écrit même, et l'avoir vu ensuite image par image sur cet appareil qu'on appelle Moriton. Mais en réalité, exiger de moi une notion de vérité qui n'est pas dans le film, ça me paraît tout à fait étonnant, car de toute façon, c'est une fiction. De toute façon, c'est faux. De toute façon, c'est moi qui ai inventé l'histoire. De toute façon, Marienbad ne peut pas être un document sur quoi que ce soit. Et dans la construction de cette histoire, est intervenu tout de même Alain Resnais. Qu'est-ce qu'il en pense ? Dans la construction, non. Simplement dans la réalisation. Oui. Dans la réalisation. C'est-à-dire que je considère que le film peut être entièrement de René comme il est entièrement de moi, mais René, qui avait le droit de changer aussi la construction, se trouve justement d'avoir rien modifié à la construction et accepté de moi non seulement un scénario, mais un découpage. Ce qui est très rare de la part d'un oui, scénariste. Il l'a compris d'une certaine façon. Non seulement il l'a compris, mais il l'a assumé entièrement, car s'il y avait une seule image dont il n'est pas senti la nécessité pour lui, il l'aurait enlevée. Il en avait tout à fait le droit, n'est-ce pas ? C'est ce qui me rassure un peu contre le reproche de gratuité qu'on fait quelquefois à ce montage. Il a été pensé par moi au départ, mais il a été accepté entièrement par René, qui le comprenait parfaitement. Oui, mais étant donné que vous nous disiez qu'en somme, vous avez été plus conduit par vos personnages que vous n'avez conduit vos personnages, est-ce que c'est le même cas pour Alain René ? Je n'ai pas dit tout à fait que j'avais été conduit par mes personnages. J'ai dit que l'ensemble du film m'était apparu peu à peu, image par image, comme une nécessité, mais c'est quand même une nécessité concertée, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai su quand même à peu près constamment ce que je voulais faire. Peut-être que j'ai fait autre chose, n'est-ce pas ? Ce qu'il y a de tout à fait remarquable, c'est que on aurait dit que René avait envie de faire ce film-là lui aussi, n'est-ce pas ? Nous avons commencé par parler ensemble de choses très vagues, c'est-à-dire de formes cinématographiques, sans faire allusion à des anecdotes. D'une façon ou d'une autre, nous ne précisions pas à ce moment-là ce qui serait l'histoire racontée, mais uniquement ce qui serait une façon de raconter l'histoire. Et nous nous sommes aperçus que nous avions vraiment envie de faire le même film. Et quand j'ai eu écrit ce découpage, René m'a dit « c'était pas la peine de vous esquinter à décrire plan par plan tous ces mouvements et ces montages, c'était cela que j'aurais fait de toute façon ». on ne peut pas dire que ce film est une collaboration, c'est vraiment une œuvre faite entièrement par lui comme entièrement par moi, ce qui est une rencontre quand même assez... C'est une rencontre miraculeuse. Ce film est quand même plus qu'une histoire, et il est plus aussi pour vous, je ne dirais pas qu'un exercice d'écriture, disons qu'une découverte par l'écriture. Je pense qu'il suppose aussi, sans employer des mots excessifs, une certaine vue de l'humanité et du monde. Probablement qu'il s'en dégage une, mais l'auteur ou le réalisateur, quand il fait un film ou quand il écrit un roman, ne peut pas, je crois, savoir déjà quelle sera cette signification dont vous parlez. J'ai l'impression que si un écrivain ou un cinéaste connaissait à l'avance la signification de son œuvre, ce ne serait même pas la peine de la réaliser. Il n'aurait qu'à expliquer la signification, tout simplement. Je crois que n'importe quel artiste crée en quelque sorte pour connaître la signification du monde. Comme si il avait cet espoir, très insensé peut-être, que son œuvre apporterait une signification au monde qui n'en aurait pas avant. Vous avez tout à l'heure commencé à nous dire comment s'était passé le début de votre collaboration avec Alain Resnais. Il serait très intéressant de savoir comment ensuite est né le film, parce que vous avez commencé par parler de la forme cinématographique. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans votre esprit ? Eh bien, notre réunion n'est pas le fait de notre volonté ni à l'un ni à l'autre, mais elle a été imaginée, cette réunion, par les producteurs. Les producteurs voulaient faire un film Alain Resnais et chercher quel scénariste pourrait lui apporter de quoi déclencher chez lui le processus créateur, puisque Resnais a beaucoup de mal à trouver une histoire qu'il ait envie de tourner. Vous savez qu'il tourne extrêmement peu de films, et ce n'est pas du tout parce qu'on ne lui en propose pas, au contraire, on voudrait tout le temps lui en faire faire. Et les producteurs nous ont donc réunis. Je connaissais personnellement très bien l'œuvre de Resnais, et personnellement j'étais très content de travailler avec lui. Mais Resnais, lui, connaissait assez mal mes romans et s'est mis à les lire à ce moment-là, et il lui a semblé qu'en effet il serait intéressant qu'il me rencontre. Nous sommes rencontrés, nous avons parlé donc non pas d'anecdotes mais de formes cinématographiques, et nous sommes aperçus, comme j'ai dit, que nous avions envie de faire le même film. Et Resnais m'a dit, à ce moment-là vous pouvez écrire n'importe quoi, j'ai l'impression que la façon dont vous l'écrirez sera suffisante pour que j'ai envie de le tourner. Mais comme il fallait bien quand même tourner quelque chose, je lui ai soumis quatre projets de scénario, c'est-à-dire des projets en deux pages, quoi, où je racontais grossièrement un schéma qui était à la fois un schéma d'écriture cinématographique et un schéma d'anecdote humaine, si vous voulez. J'ai fait ça assez rapidement parce que c'était des projets que j'avais en tête depuis longtemps. J'ai écrit en une semaine ces quatre projets. Et Resnais, à ce moment-là, s'est déclaré prêt à les tourner tous les quatre. Ce qui ne simplifiait pas les choses, car il fallait bien choisir un des quatre. Et il dit qu'il a choisi celui qui lui semblait le plus difficile. C'est pas celui même qui lui semblait le plus impossible, en un certain sens. Et à ce moment-là, j'ai écrit, alors, directement le découpage de ce film. Resnais se contentait à ce moment-là de venir tous les soirs prendre les deux ou trois pages que j'avais écrites qui racontaient un film imaginaire, et il s'apercevait à chaque fois que c'était vraiment le film qu'il avait envie de tourner. Quand l'ensemble a été écrit, l'ensemble représentait environ 200 pages. C'est d'ailleurs ce que j'ai publié en volume en librairie sous le nom de Ciné-Roman. Alors nous en avons discuté pendant quelques jours pour savoir s'il ne fallait pas modifier telle ou telle chose. C'est pas comme je n'étais pas du tout un technicien, il pouvait arriver que j'imagine des mouvements de caméra même impossibles, n'est-ce pas ? Et Resnais avait le droit d'intervenir aussi en me disant « Je crois que cette phrase-là ne portera pas, est-ce que vous ne croyez pas que ?» etc. Mais il se trouve qu'il a changé remarquablement peu de choses et qu'il a travaillé pratiquement sur ce que je lui avais remis au début. Et ensuite, il a tourné. Et alors là, il a tourné seul. Comme j'avais écrit seul, il a tourné seul. Je n'étais même pas sur le plateau. Je n'ai pas assisté à une seule prise de vue, puisque j'étais à ce moment-là en Turquie, en train de repérer un autre film que je dois réaliser moi-même. Et Resnais a vraiment, pendant ce tournage, recréé une deuxième fois l'histoire que j'avais écrite. Et c'est ça qui a de merveilleux pour moi, c'est qu'une fois que je suis rentré à Paris et que le film en était au stade du pré-montage, c'est-à-dire presque définitif, n'est-ce pas? Eh bien, il était exactement ce dont j'avais rêvé. À ce moment-là, il y a eu un travail très minutieux que nous avons fait ensemble, qui consistait à mettre la dernière main, justement, au montage, avec Henri Colpi, n'est-ce pas? Il y avait, par exemple, des textes qu'il fallait un peu modifier pour des raisons de durée ou de contenu par rapport à l'image, enfin, puisque vous savez qu'il y a constamment dans le film non pas une adhérence complète, une adéquation complète entre la parole et l'image, mais au contraire des distances subtiles. La parole dit une chose et l'image montre une chose un peu différente ou un peu plus différente ou franchement contradictoire. Et alors, toutes ces variantes, toutes ces distances devaient être calculées avec soin. Nous avons donc fait à ce moment-là le travail ensemble. Mais alors, pour en revenir à ce que nous disions en commençant et pour arriver tout de même à une conclusion, les réactions du public, vous les avez, j'imagine, prévues, elles ont même été certainement meilleures que celles que vous aviez pu imaginer. Oui, quand le film a été terminé, et terminé en parfaite liberté, car je dois dire que les producteurs, Pierre Courault et Raymond Froment, ont été vraiment parfaits du début jusqu'à la fin. Ils nous ont laissé faire exactement le film comme nous le rêvions, avec la même liberté qui est celle du romancier devant une page blanche, et qu'une fois que le film a été terminé, ils n'ont pas du tout discuté la moindre séquence, et on ne nous a pas dit, comme ça arrive souvent, est-ce que vous ne pourriez pas rajouter une scène comme ci à cet endroit-là, ou en couper une, etc. Non, ils ont accepté le film comme il était, en l'aimant comme il était, et on l'a montré à ce moment-là à des amis. Bien sûr, les amis, c'était pas le grand public. Les amis, c'était Jean-Paul Han, c'était Jean-Paul Sartre, c'était Michel Léris, c'était un certain nombre d'écrivains, d'artistes, de musiciens, qui nous ont tous dit la grosse impression que le film leur faisait, même leur admiration dans beaucoup de cas, en tout cas leur accord chaleureux, et en même temps leur inquiétude quant à la carrière possible du film. Tous nous disaient, ce film, vous savez, ça va être très difficile de le projeter en public, dans des salles, les gens vont rire, les gens vont protester, et à ce moment-là, évidemment, tout le monde a été assez inquiet, et nous-mêmes, nous commencions à nous demander quel genre de carrière le film pourrait faire. Nous avons été rassurés dès la première projection publique. Le film était sélectionné pour le Festival de Venise, et comme tous les films présentés à Venise à cette occasion, il a été projeté en même temps dans la grande salle du festival où étaient tous les invités, qui étaient, n'est-ce pas, la haute société cinématographique conviée à cette occasion, et en même temps dans une salle populaire en plein air qui s'appelle l'Arena, où va, en payant sa place, tout un public de Venise et du Lido, n'est-ce pas, qui est un public franchement populaire. Et dès cette première soirée, nous avons été rassurés, je dois dire, car ce public marchait. Au début, il y a eu quelques ricanements. Comme on n'entend pas très bien ce que dit le narrateur, il croyait que le son était mal réglé, n'est-ce pas? Et puis, au bout de 5 ou 6 minutes, tous les rires avaient cessé. Et jusqu'à la fin, ces gens qui étaient peut-être venus là pour chahuter sont restés fascinés par ce film. Je ne sais pas s'ils ont été contents ou pas, mais ils y ont participé pendant 1 heure et demie, comme si c'était un public de gens sélectionnés spécialement pour le voir. Et j'ai l'impression que cette expérience a même influencé, dans une certaine mesure, le jury qui a donné le Lion d'Or à ce film, probablement en partie parce qu'il s'apercevait que ce n'était pas du tout un film de chapelle, comme on avait tendance à le dire avant cette projection, mais un film qui pouvait en fin de compte accueillir un public très large. Et l'expérience semble prouver maintenant, puisque l'exclusivité se prolonge au-delà du 3e mois, ce qui est quand même pas mal, puisqu'on le joue dans 2 salles à la fois, et que les directeurs de salles ont demandé une prolongation de la garantie qu'ils avaient accordée au film au départ, je crois quand même qu'on peut dire que c'est un film public. C'est évidemment un grand succès. Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir atteint le grand public? Oui, bien sûr. Quand on fait une œuvre Enfin, je ne suis pas du tout de ces écrivains qui pensent qu'à partir du moment où le livre dépasse 100 spectateurs ou 10 lecteurs, c'est une œuvre ratée. C'est une œuvre ratée, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'on écrit, en fin de compte, pour tout le monde. Je ne vise pas du tout à un roman hermétique, mais au contraire à un roman de communication. Et la carrière de ce film ne peut me satisfaire que dans la mesure où il rencontre vraiment un public large. Même si ce public n'est pas absolument satisfait aux premières projections, même si certains s'ennuient un peu, le principal est que ce public existe. C'était Défendez-vous, une émission d'André Gillois. Aujourd'hui, Défendez-vous, Monsieur Rob Grillet, avec le concours de Jean-Pierre Morfait. Assistante Michel Pietri. Autre grand film de cette année 1961, Rocco et ses frères. La célèbre et toujours vivante émission Le Masque et la Plume accueillait sur son plateau Luchino Visconti lui-même, mais pas immédiatement. C'est ça aussi la mise en scène. Bonsoir, chers spectateurs de l'Alliance française. Bonsoir, chers auditeurs de Paris Inter, France 1. Voici notre émission consacrée au cinéma. Cette émission va se dérouler avec un ordre un peu différent. Régis Bastide étant allé chercher notre invité de la semaine qui sera Visconti. En attendant l'arrivée de Bastide et de Visconti, nous allons nous mettre à la tâche car les films sont nombreux depuis près d'un mois que nous n'avons pas consacré une tribune au cinéma. Nous allons donc demander à notre speaker de venir annoncer les critiques de cinéma. Voici donc la tribune des critiques de cinéma avec le concours aujourd'hui de France Roche, Morvan Lebesque, Pierre Marcabru et Georges Sadoul. Le nombre des films dont nous avons à parler depuis notre dernière émission est considérable. Et puis de très bons films en plus. Et de très bons films. La question va être de savoir de quel film nous allons parler. Voulez-vous que nous commencions à parler de Rocco? Oui, je crois qu'il faut mieux commencer par... Pierre Marcabru. Oui. Je crois qu'il faut commencer par Rocco. Avez-vous aimé Rocco? Moi, je n'aime pas Rocco, alors je crois qu'il faut mieux laisser la parole à la défense, d'abord. Ah non, devant les tribunaux, c'est toujours la défense qui prend la parole au dernier moment. Alors je crois que c'est France Roche qui l'aime le moins de nous tous, non? Alors, France Roche, avez-vous aimé Rocco? Oui et non. Rocco, ce n'est pas un film, c'est, semble-t-il, 5 films, puisque Visconti ne dissimule pas son intention de raconter les différents épisodes de la vie de 4 ou 5 fils d'une même famille. D'ailleurs, le nom de chaque fils apparaît au début de chaque épisode. Il faut dire que ce n'est pas un film à sketch et que ces épisodes sont parfaitement bien liés, mais l'intention de Visconti est très nette, non seulement parce que les noms apparaissent avant chaque sketch, mais si vous lisez le livre qui est apparu sur le tournage de ce film, cette intention a été au départ de l'écriture du scénario. Bien, certains de ces sketchs sont remarquables et certains autres le sont beaucoup moins, justement d'ailleurs en fonction de cet esprit de système que l'auteur, le créateur, semble avoir eu au départ. Bon, mais ces sketchs forment un ensemble. Oui, ils forment bien l'histoire d'une famille de Lucanie, c'est-à-dire d'Italie du Sud, qui vient chercher du travail à Milan. Alors nous avons 5 frères, dont l'un s'appelle Vincenzo, si ma mémoire est bonne. Le second, Simone. Le troisième, Rocco. Le quatrième, Ciro. Et le cinquième s'appelle Luca, mais il est petit et on n'en parle pas beaucoup. Bon, alors vous disiez oui et non. Vous aimez ça, vous n'aimez pas ça. Eh bien, alors si on doit donner des notes, j'aime Vincenzo assez. Simone beaucoup. Rocco presque tout à fait. Et Ciro pas du tout. Bon, mais on ne vous demande parce pas... Parce que certains de ces sketchs sont tout à fait dans la manière Visconti, c'est-à-dire... très sensible, très intelligent, très riche. Quand il se passe quelque chose au premier plan, il se passe quelque chose au second. Je ne parle pas seulement d'un plan physique, mais d'un plan sentimental, émotionnel. Et puis d'autres, comme celui de Ciro, par exemple, sont très, très systématiques. Ciro explique que, après tout, d'accord, la grande ville a absorbé toute sa famille, mais lui, il est bon ouvrier aux usines Alfa Romeo ou Ferrari, et que, somme toute, quand on est bon ouvrier, eh bien, les choses s'arrangeront. Oui, sûrement, peut-être. Enfin, ça dépend de ce qu'on pense de la vie sociale et de l'avenir du monde. Mais sur le plan purement cinématographique, c'est assez plat et même quelquefois un peu gros. Par contre... Pierre-Marc Labrue veut vous répondre. Non, ce que je voulais vous dire, je crois que c'est... vous accentuez un peu trop sur l'idée de sketch. Il y a un récit continu avec une accentuation sur certains personnages à un moment donné. Mais le récit est continu. Et alors, c'est essentiellement la réaction des personnages devant un déracinement. Ce sont des gens qui viennent du Sud, qui arrivent en Italie du Nord et qui sont en quelque sorte déracinés, sans contact avec cette nouvelle réalité qui est devant eux. Et chaque personnage réagit en effet d'une manière différente devant cette réalité. Je crois que c'est surtout ça, au fond, le sujet essentiel du film. Cela dit, en effet, c'est surtout extrêmement gênant dans la version française. Là, je crois que le drame de ce film, c'est qu'il passe à Paris en version française et que la version française le tue tout au moins dans la seconde partie, dans la partie du lyrisme. Le lyrisme en français ne passe pas du tout. La fin du film est traitée un peu, non pas dans le néoréalisme, mais dans le vérisme, et dans le vérisme de l'opéra. Or, cela passe très bien dans la langue italienne et ne passe absolument pas dans la langue française. On a beaucoup parlé de cette affaire de doublage. Ah oui. C'est le drame du film. Surtout dans la seconde partie, il est complètement décalé. Je crois que le public français ne peut pas le ressentir, ne peut pas le recevoir, parce que la langue française atténue, freine constamment le film. Nous ne sommes pas tous d'accord sur ce film, n'est-ce pas, qui est un film très important. Très important, qui ne nous met pas tous d'accord. Qui ne nous met pas tous d'accord, à mon avis, parce qu'il y a du bon et du mauvais dans ce film. Il y a des morceaux extraordinaires, exceptionnels même, et tout de même, dans un film un peu long, je n'aime pas la fin. Je n'aime pas du tout la fin qui me paraît très sentencieuse et très plaquée même sur l'histoire, sur le film. Cela dit, il y a des morceaux, je le répète, admirables, entre autres tous les morceaux de violence. Visconti réussit admirablement non seulement les morceaux de violence, mais l'impression de faits divers que donnent des personnages lancés dans l'aventure humaine. Il réussit remarquablement. C'est tout, ce film m'a fait penser, je l'ai d'ailleurs écrit, à un gros livre, à un très gros livre, où il y aurait des chapitres merveilleux, qu'on a envie d'y courir en supprimant certains autres chapitres qui sont peut-être un peu longs. Bon, merci, Morvan Lebesque. Pierre-Marc Abru, un mot. Je voulais simplement dire que la fin, je crois, en effet, est gênante, et surtout gênante. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la version française. Dans la version originale, la fin est beaucoup plus, prend une dimension tout à fait différente, qui est une dimension presque d'opéra. Oui, une question de dialecte. Les personnages sont des méridionaux venus dans le nord de l'Italie. Il y a trois dialectes. On ne les sent absolument pas dans la version française. Et comment les sent-on? Il aurait fallu parler auvergnat, breton. Non, sans parler auvergnat breton, sans faire une transposition idiote, on aurait peut-être pu donner un accent, je ne sais pas, paysan ou quelque chose. Enfin, on aurait pu inventer quelque chose. C'était en effet très délicat et très difficile, mais le fait que ce film repose en grande partie sur la véracité des voix et du langage, évidemment, la version française, quelle que soit l'application qu'on y ait mise, est ratée. Georges Sadoul. Je considère pour ma part que c'est un des films les plus importants que j'ai vus depuis quelques années, depuis plusieurs années. Mon ami Moussinac écrivait il y a déjà 35 ans qu'un jour, le cinéma atteindrait le niveau de la littérature et le dépasserait. Eh bien, c'est à travers un tel film que je le pense, car c'est un film qui a cette importance si rare au cinéma d'un grand roman, d'un très grand roman. Eh bien, il y a toutes sortes de romans. Pour prendre des références, il y a, mettons, Tchekhov et Dostoïevski. D'ailleurs, Tchekhov, c'est plutôt des nouvelles que des romans. Mais, bon, il y a le ton de Tchekhov, qui est, si vous voulez, celui d'Antonioni. Et puis, il y a le ton de Luchino Visconti, qui me paraît se rapprocher de celui de Dostoïevski, mais aussi d'un très grand auteur italien, complètement inconnu en France, qu'on ne trouve même peut-être pas, je pense, dans Le Petit Larousse, qui est Giovanni Verga. Et je crois que Visconti est en train de nous apporter en France, en Italie, une œuvre aussi importante, aussi considérable qu'a été en son temps celle de Giovanni Verga. C'est son grand dessein. Il a rêvé depuis longtemps, depuis 10, 12, 13 ans, d'une grande trilogie romanesque, dont la première partie fut la Terra Trema, dont la seconde est Rocco et ses frères, et dont j'espère bientôt qu'il nous donnera la troisième partie. Ceci dit, ça n'est pas un film facile. Je pense que c'est un film qui mérite d'être revu. Pour ma part, je l'ai vu trois fois. J'y ai chaque fois découvert de nouvelles beautés. Ce que j'ai pu trouver autrefois être des longueurs ou des outrances m'ont paru au contraire très nécessaires avec une structure très méditée. Maintenant, je comprends très bien qu'on n'aime pas ce film. Par exemple, moi, j'ai jamais pu souffrir Dostoïevski. Chaque fois que je lis Dostoïevski, j'entre en crise et je suis obligé de l'arrêter à la 200 ou 300e page. Ceci dit, Dostoïevski est un génie à qui je titrerai très bas mon chapeau. Eh bien, je dirais, je comprends très bien que mes confrères aient la même allergie vis-à-vis de Visconti qu'ils peuvent l'avoir vis-à-vis de Dostoïevski. Je dirais très simplement, en tout cas, que ceci se situe, à mes yeux, à un très haut niveau de l'art cinématographique et d'un genre cinématographique que j'appelle pour ma part le ciné-roman. C'est un des plus grands romans de notre siècle, à mon avis. Merci Georges Chadoul. Excusez-moi, à ce moment-là, un monsieur qui est dans les coulisses avec moi m'a dit « Mais je veux y aller !» Luchino Visconti, c'est la première fois, je dois dire, dans les annales du Masque et la Plume, que les critiques sont là, mettant en pièces ou en louange un film, et que l'auteur du film soit à côté. Quelquefois, il attend dans les coulisses. Ah oui, il vient après. Si vous êtes là maintenant, c'est parce qu'il faut que dans quelques minutes, vous soyez à la répétition d'une pièce que vous mettez en scène et que la vie n'est pas commode à Paris. Vous avez entendu ce que nous avons dit. Vous m'avez dit, moi, je n'aime pas beaucoup parler. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient? Pas que je n'aime pas beaucoup parler, mais pour moi, c'est assez difficile de m'exprimer dans une langue qui n'est pas ma langue. Oui. Et je suis arrivé trop tard. J'aimerais parler italien comme ça. Oh ben, enfin, je m'arrange. Et je suis arrivé trop tard pour entendre tout ce qui a été dit sur Rocco. Alors, je crois que je suis arrivé justement où on critiquait la dernière scène. La scène de Ciro. La dernière partie. Pas le discours que Ciro fait à son frère. Alors on m'a dit que ça c'était un peu forcé, que c'était pas vrai, que c'était un peu faux, que c'était un peu, comment est-ce qu'on peut dire, programmatico. Hein? Programmatique, c'est un joli mot à inventer en français. Mais enfin, mais on peut l'inventer. Oui, oui. Mais je crois que ce n'est pas vrai, parce que je crois que je peux dire, à ma défense, et à défense du film, et à défense de cette scène de Ciro, que moi je n'ai tâché de faire que la vérité. Car je connais des milliers d'exemples qui ressemblent à l'histoire de Rocco de ses frères. Car je n'ai rien inventé, mais je n'ai fait que tâcher de raconter sur l'écran des problèmes et des faits qui arrivent en Italie continuellement. Évidemment, pour les Français, ce problème-là n'existe pas. Et c'est un problème que je tâche de faire connaître au reste du monde. Mais c'est un problème très grave qu'il y a en Italie, et c'est le problème de l'immigration intérieure. Je veux dire, des gens du Sud qui vivent dans une zone déprimée et qui tâchent de venir au Nord, qui est une zone industrielle, une zone plus évolue, pour trouver du travail et pour vivre, pour manger vraiment. Et comme j'ai raconté l'histoire de cinq frères et d'une mère, et j'ai raconté à peu près trois histoires négatives dans cette famille et deux histoires positives, je ne compte pas le petit parce qu'il n'est pas encore un homme et on ne sait pas ce qu'il deviendra, ce que sera sa vie. Mais dans les deux histoires positives, je n'ai rien inventé, car heureusement, dans ces gens du Sud qui viennent au Nord pour travailler, il y en a beaucoup qui réussissent à s'insérer dans la vie industrielle du Nord et qui deviennent des ouvriers et qui prennent une conscience d'ouvrier et qui prennent une conscience d'homme et qui comprennent quels sont leurs droits à la vie. Alors, dans Ciro, j'ai voulu un tout petit peu, résumer ce qui sont les histoires positives de ces cas. ayant donné avec les autres frères, je crois, assez un tableau négatif qui est malheureusement aussi une réalité. Donc il n'y a rien de forcé, je crois, dans l'histoire de Chiro, parce que ce n'est que le début de quelque chose qui sera après. Et c'est ce que je me souhaite, de pouvoir un jour raconter l'histoire de Chiro. Donc l'histoire d'un ouvrier qui prend conscience, qui forme une famille, qui devient quelqu'un dans la vie industrielle de Milan, tout en étant un petit garçon né dans le sud et qui a été considéré un paria jusqu'avant-hier. Il devient... Lucchino Visconti, j'ai une question à gauche qui vient de Pierre Marcabru, si vous me permettez. Oui. Malgré tout, quand même, ce n'est pas le personnage de Chiro qui est le personnage principal de... Mais oui, monsieur. Du film, c'est le mais personnage oui, de Rocco. Non, c'est Chiro. C'est ça le point. On le sent qu'à la fin du film. Eh bien, d'accord, mais il y a beaucoup de personnages qui arrivent à la fin d'une histoire et que vous comprenez très bien qui sont le centre focal de l'histoire. Rocco n'est pas du tout le centre du film, alors. Mais qui est le prince? On ne le comprend pas. Alors là, on le sent. C'est Morvan Lebesque qui parle. Un personnage qui est un centre est un personnage qui agit. Or, Chiro n'agit pas. Il fait un discours à la fin du film. Ah non, monsieur. Non, pendant tout le film, il agit. Pensez que c'est celui qui prend une décision terrible. Et c'est celle qui va contre cette espèce d'esprit de famille, et qui dit, il faut qu'il se dénonce. Il faut que mon frère se dénonce. Oui. Donc, c'est celui qui prend la décision, disons, la plus dure, la plus terrible, la plus sérieuse et la plus consciente. C'est lui qui arrive à ça. Donc, on croit qu'il a dénoncé Simon, ce n'est pas vrai. Il ne l'a pas fait, à la fin, il n'a pas eu le courage de faire ça, mais évidemment, sa conscience lui dicte que, dans un cas pareil, la famille peut aussi se... désagréger, mais devant un fait si grave, il faut surtout faire son propre devoir, donc se dénoncer. Il arrive à ça, à une espèce de dureté. Je me rappelle très bien que quand je travaillais au scénario de Rocco, mes collaborateurs n'étaient pas d'accord avec moi sur le personnage de Chiro. Justement sur le personnage de Chiro, on me disait, si tu fais un Chiro comme ça, tu vas faire un personnage odieux. Tu vas faire un personnage... Moi, je disais, je ne fais pas un personnage odieux, je fais un personnage vrai. Un personnage qui a une conscience. C'est ce que vous appelez... Ce n'est pas le fait que Chiro conseille à son frère de se dénoncer, et même semble vouloir le dénoncer à la police, qui semble avoir gêné mes confrères et moi-même, mais plutôt le fait que Chiro fasse plutôt des discours que mais des vous actes. Voyez-vous. Et que tout au long du film, il apparaisse comme un comparse. En outre, vous disiez qu'avec le personnage de Chiro, vous avez voulu symboliser une partie de ces paysans du Sud qui arrivent à s'insérer dans la vie industrielle de l'Italie du Nord. Oui. Mais il semble qu'avec Vincenzo, vous l'ayez montré d'une certaine façon. Oui. Lui aussi, il a fondé une famille, il a des enfants, il travaille. Oui, pardon. Mais d'une façon assez passive avec Vincenzo. Vincenzo subit une situation. Chiro la crée, cette situation. La veut, cette situation. Il la modifie selon sa conscience. C'est ça la différence. Vincenzo subit, et ça c'est aussi des faits vrais. Il y en a qui arrivent et qui subissent une certaine situation, mais il n'a pas des aspirations. Il restera toujours un petit maçon qui travaille dans des maisons, qui fait un petit travail, qui a une famille, une belle femme, il fait des enfants. Chaque année, il a un enfant. Ça c'est tout à fait italien et méridional. Bon, c'est ça son idéal, mais pas plus. Mais Chiro a un autre idéal. Chiro passe au-delà de ses idéaux, de cet idéal de Vincenzo. Chiro se fait une conscience. Chiro a eu des contacts dans la fabrique, a sûrement eu des contacts dans la fabrique d'Alfa Romeo. Et il a compris des choses. Or, évidemment, vous dites, c'est tout de suite à la fin. Ce n'est pas vrai. Regardez toute l'histoire de Chiro. Le premier dialogue de Chiro avec Luca, sur le pont là du fleuve, quand le petit lui apporte à manger et lui dit, bon, mais qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui? Je fais ça et ça et ça. Qu'est-ce que fait Simone? Simone ne se réveille jamais le matin, il ne travaille jamais le matin. Il dit, mais quel genre de travail fait-il? Je n'arriverai jamais à le comprendre. Et l'autre dit, un travail très lucreux parce qu'il a apporté 2000 lire à maman aujourd'hui. Et l'autre dit, attendez que j'ai 18 ans, je vous montrerai moi ce que je sais faire. Il commence déjà à avoir une conscience que les autres n'ont pas. Pierre Marcabru, la valeur et la représentation du personnage de Rocco pour vous. C'est le prince Mishkin. Apparemment, vous avez dit que c'était le prince Mishkin. Donc Rocco est très complexe parce que évidemment, il part du prince Mishkin, il part de l'idiot, évidemment. Mais j'aurais pas pu faire le prince Mishkin dans une histoire comme ça. Mais évidemment, j'ai voulu, dans un sens, mettre dans le caractère de Rocco cette espèce de c'est pas bonté, c'est pas le nom. Cette espèce de charité complète et sans limite, qui est aussi dangereuse, et il le dira à Chir à la fin, qui est aussi dangereuse que l'égoïsme. Que l'égoïsme de Simone. Car il dit une phrase très juste, je ne sais pas si en français c'est bien traduit, mais en italien c'est très clair. Il dit « Rock est un saint ». C'est une façon de dire « Rock est un saint ». Il pardonne toujours à tous. Mais dans le monde où on vit, il ne faut pas toujours pardonner. Et cette espèce de bonté sans limite est aussi dangereuse que la méchanceté, disons la méchanceté, ou les erreurs de la faiblesse, disons, de Simon. Voilà où dans Chiro s'éclaircit un peu, s'éclaircissent tous les caractères des autres. Vous comprenez ? Pierre-Marc Abru a aussi une question. Je voulais vous demander, est-ce que l'utilisation d'acteurs français dans les personnages oui. italiens ne vous gêne pas ? Ça, c'est la grande question. Bah, vous savez, ça, c'est la grande erreur de la coproduction. Depuis qu'on a inventé la coproduction, oui, depuis qu'on a inventé la coproduction, pour des questions d'affaires, des questions d'intérêt, nous sommes tous dans cette situation. Parce que, évidemment, si j'imposte un film qui coûte 500 millions, 600 millions, les pères du temps commencent à dire « Ah, ben, mais pour la France, il me faut avoir un nom français. Pour l'Amérique, il me faut avoir un Américain. Pour l'Angleterre, sans ça, je ne peux pas vendre mon film. Je ne peux pas avoir la coproduction. Oui. » oui. Alors, on est foutu, évidemment. Oui. C'est vrai. Mais si, on peut si les... À la radio. Allez, allez. Si j'ai bien lu les gazettes... Lucchino Visconti, il oui. semble que vous ayez peut-être l'intention, parce que vous ne vous sentez pas tout à fait aussi heureux que vous voudriez en Italie, enfin peut-être que je me trompe, de rester quelque temps en France et peut-être de produire un film en France. Je ne sais pas si je pourrais faire un film français. Vous savez, voilà, pour la même raison que je vous disais, nous devons faire des films italiens, les Français doivent faire des films français. C'était ça la valeur des films dans le temps. Et maintenant, c'est une espèce de salade, on ne comprend plus rien. Même quand vous avez des comédiens comme Darroux, comme Alain Delon. Mais naturellement, je suis très heureux d'avoir eu ces comédiens, Delon, Girardot. Vous les avez tout de même choisis, ce sont des acteurs que vous avez voulu. Évidemment, je les ai choisis, mais évidemment, quand je faisais La Terre Tremble, je n'avais pas ce problème. Oui. Et c'était un film tout à fait italien. Quand De Sica faisait L'Adri di Biciclette, c'était un film tout à fait italien. Oui, mais quand Rocco il a dû faire Stazione Termini. Rocco est aussi un film italien. D'accord. Mais évidemment, voilà, on se trouve dans ces situations où il faut doubler pour la France Rocco, ce qui est une erreur formidable. Monsieur Sadoul le sait, je lutte pour avoir une édition italienne à Paris. On ne veut pas. On ne veut pas la passer. De toute façon, même si je vous avez une édition. C'est Georges Sadoul. Puisqu'on a parlé du doublage tout à l'heure. Je trouve que le doublage aurait pu être meilleur qu'il n'a été, compte tenu de l'effroyable difficulté, d'ailleurs, de doubler un tel film où les accents locaux, les accents du Sud et du Nord jouent. Mais ceci dit, si le doublage, moi, qui avais déjà vu deux fois la version italienne, me gêne pendant pour le premier quart d'heure ou la première demi-heure, au bout d'un certain temps, je suis emporté par l'histoire. Et je crois que le grand public sera comme ça. Mais ceci dit... je souhaite très fort qu'on se décide enfin à nous présenter une version italienne de ce très beau film qui, je le répète, est un film capital. C'est ça que je souhaite aussi. Et vous savez que je lutte avec les producteurs, mais... Vous êtes cruel avec Visconti à lui parler de son doublage. Non, vraiment, mais vous savez, le doublage, moi j'ai pu le suivre très très peu, car j'étais déjà en répétition au Théâtre de Paris. Je n'avais qu'une heure de temps en temps, je courais voir, mais les erreurs qu'on faisait, je ne pouvais plus les corriger, c'était fait. Ah, il y a une question. Attendez, je vous en prie. Je voudrais demander à M. Visconti, en quoi ce film suit la filiation de La Terre Tremble ? En quoi ce film est une suite de La Terre Tremble ? Oui, La Terre Tremble. Bah, c'est très simple, c'est à dire, La Terre Tremble était l'histoire d'une famille du Sud qui vivait en Sicile et qui ne trouvait pas, la poussée pour partir et pour tâcher de... affronter une nouvelle situation. Dans Rocco, c'est encore une famille du Sud, mais qui a cette possibilité de bouger et de chercher une nouvelle situation. Et dans le troisième, si je le ferai jamais, c'est ça, cette situation. Et le monde nouveau dont parle Chiro. Merci, Visconti. Une dernière question ? Non ? Je la vois pas. Oui, si. Tu la vois ? Moi, je la vois pas. C'est pas une question. J'avais vu le film à la présentation à Rome, mais j'avais été bouleversée et j'appréciais énormément ses caractères typiquement du Sud. J'admire énormément la manière dont on traite les caractères du Sud. Bon, madame, alors à moi, une question pour vous, s'il vous plaît. Oui. Vous avez vu ce film à Rome, c'est un rare privilège, je ne vous demande pas comment ni pourquoi, mais vous... Parce que j'y étais à la présentation. Bien, mais vous comprenez l'italien bien, un peu, très mal ? Bien. Ah bien, et vous n'avez pas été gêné par les dialectes ? Oh non, pas en italien du tout, même si quelques passages du dialecte m'échappaient, le caractère général s'accommode mieux de certains absences de compréhension que d'un doublage, j'ai l'impression. Je ne l'ai pas vu en français. Je dois avouer que je n'ai pas envie de le voir en français. Vous n'avez pas envie de le voir dans sa version? Non, malheureusement. Non, allez-y quand même. Le doublage des deux personnages français était excellent à Rome, en tout cas. Bien. Vous avez vu l'Aventura? Aventura, oui, je l'ai vu, je l'aime beaucoup. Ah, vous l'aimez beaucoup? Beaucoup. Oui. Bon confrère, Luchino Visconti. Non, je l'aime beaucoup, vraiment. Non, vraiment, je l'aime beaucoup. Je ne vais pas vous faire un compliment à Michelangelo Antonioni, mais vraiment, l'Aventura est un film qui m'a beaucoup frappé et je connaissais les autres films d'Antonioni. Je n'étais pas toujours très d'accord avec lui, mais Aventura est un film qui m'a beaucoup troublé, je dois dire. Je n'ai pas vu la note, alors je ne peux pas dire si c'est encore plus ou moins. Ça, je ne peux pas dire. Mais l'Aventura est un film qui m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas, c'était peut-être cette Sicile mystérieuse qu'il y avait là-dedans, comme moi j'aime beaucoup la Sicile. C'est pas la même. Cette espèce d'atmosphère, de mystère qu'il a. Non, c'est pas la même. Mais il y a quand même. Elle joue beaucoup dans le film, dans l'Aventura. Oui. Je trouve cette Sicile photographiée d'une façon extraordinaire, comme toujours avec Michelangelo. Et ça prend une importance extraordinaire. Ce n'est pas seulement une image, ce ne sont pas seulement des belles images, mais. Vraiment, ça, je crois que c'est l'interprète principal de l'Aventura, la Sicile, voilà. L'histoire ne se conçoit pas ailleurs. Sans la Sicile, n'est-ce pas? Oui, absolument. Vous connaissez un peu l'œuvre de, même beaucoup, je crois, l'œuvre de Cesare Pavese, qui ne vous a pas influencé comme elle a influencé si directement Antonioni. Oui. Mais j'ai l'impression, en ami de l'Italie, mais en ignorant aussi de l'Italie, que c'est un son tout à fait nouveau, l'œuvre de Pavese dans la littérature italienne, l'œuvre d'Antonioni dans le cinéma italien, pour des gens traditionnellement habitués à une Italie qui est plus proche de Ossessione, de Senso ou de Rocco, c'est une Italie tout à fait nouvelle pour nous. Est-ce que cette Italie, vous la sentez aussi, Visconti? Peut-être pas de la même façon qu'Antonioni, ça je dois dire. Je trouve que c'est tout à fait personnel ce qu'il fait. Je l'admire pour ça, du reste. Je trouve que c'est tout à fait personnel. Je ne suis pas toujours d'accord sur le monde qu'il raconte, sur les personnages. Or, l'Aventura, qui me plaît, qui m'a fasciné même, je considère qu'il traite un peu ces personnages comme des poissons précieux dans un aquarium. Vous comprenez? Il n'y a pas la mer autour. Or, autour de ces personnages, il y a une vie. Il y a quand même des gens qui souffrent, des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à travailler. Il les oublie toujours. Mais il y a des gens qui ne vont jamais dans la mer, qui restent toute leur vie dans un aquarium. Ben, ça m'intéresse moins. Je peux aimer une certaine peinture, mais je ne la comprends pas. Ben oui, j'ai connu beaucoup de grands peintres, par exemple, des plus grands peintres de ce temps. Ils n'aimaient jamais la peinture des autres, ils l'admiraient, mais ils ne l'aimaient pas. Oui, c'est tout à fait naturel. D'accord, moi je peux l'admirer beaucoup, mais... Dans la mesure où un auteur est personnel, il est enfoui dans son monde. Oui, et évidemment, mais c'est ça peut-être l'unique tort que je peux lui faire, c'est parfois d'oublier un peu la vie qui est autour de ces quelles sont les œuvres du cinéma italien que vous aimez et que vous admirez totalement? Je ne vois pas beaucoup de films, je ne vais presque jamais au cinéma. C'est la vérité, j'ai pas le temps, je travaille dans le théâtre aussi, alors. Mais la Dolce Vita, évidemment, est un film qui m'a frappé énormément et qui m'a beaucoup plu. Peut-on donner une information, Luchino Visconti, maintenant vous allez revenir à votre théâtre, parce que j'ai promis au monsieur qui vous attend de vous jeter dans la voiture. Où est-ce que... Où en sont maintenant, si les critiques de cinéma me permettent de faire une toute petite incursion dans le domaine du théâtre, où en est l'autre drame, qui est le drame de Dommage qu'elle soit quelque chose... Malade. Dommage qu'elle soit malade, vraiment. Dommage qu'elle soit malade, oui. Alors, quand allons-nous voir cette pièce de Joan Ford? Le 29 de ce mois. Oui. Je passerai en général, car nous devons attendre au moins 15 jours pour que Mademoiselle Schneider se rétablisse, parce qu'elle a eu cette opération d'appendicite. Oui. Heureusement, elle est bien. Je veux dire, l'opération s'est bien passée. Elle est bien, elle recouvre ses forces, mais il faut quand même du temps, n'est-ce pas? Parce que les médecins ne la laissent pas travailler avant une dizaine de jours, au moins. Vous avez dit, on a dit pour vous, on vous a prêté à un propos, on a dit que quand vous dirigiez des comédiens, que ce soit sur une scène ou sur un plateau de cinéma, et plutôt sur une scène, vous vous comportiez comme un véritable psychanalyste. Est-ce que c'est un mot de journaliste, dans le bon sens du mot? Oui, probablement. Est-ce que c'est un mot de vous? Non, moi j'ai jamais dit ça, non. C'est probablement une interprétation d'un journaliste, oui. Oui, vous pensez? Mais je considère que le travail du metteur en scène est un peu un travail... pas tellement de psychanalyste comme presque de comment on dit, hypnotisateur. Hypnotiseur. Hypnotiseur, bon. Évidemment, il faut tâcher de comprendre ce qu'il y a dans un comédien et tâcher de l'aider à sortir toutes ses qualités, toutes ses possibilités. Ce qui est donc exactement le contraire d'un psychanalyste. Mais non, c'est exactement la même chose, parce qu'un psychanalyste vous sort tous vos complexes que vous ne savez pas d'avoir, et il vous les sort, il vous donne les raisons de ça. Et c'est un peu la même chose qu'il faut faire avec les comédiens. Vous ne croyez pas que l'hypnotiseur consiste à imposer à un personnage donné une personnalité qu'il doit avoir pendant toute la pièce? Peut-être. C'est une façon de se faire entendre, de se faire comprendre, de se faire suivre par un comédien. Mais je crois qu'un comédien tout seul, oui, il y a des cas aussi, parfois ne découvre pas ses propres qualités. Il n'arrive pas à comprendre jusqu'à où il a des qualités. Alors ça, c'est notre travail, c'est de l'aider à les sortir, c'est tout. Je m'excuse auprès de vous, mes chers critiques, d'avoir été un petit peu vite dans cette émission, un peu bousculée et un peu spéciale. Il faut le dire qu'elle est spéciale, parce que Luchino Visconti a eu la gentillesse de venir entre deux répétitions à notre tribune. La prochaine fois, en toute sérénité et sans un metteur en scène à côté de nous qui nous intimide tout de même, parce qu'on voudrait... Ça n'a pas gêné. Il a été d'une très grande gentillesse. Et je vous remercie beaucoup d'être venu ici, Luchino Visconti. Merci. Le Masque et la Plume, une émission de François-Régis Bastide qui recevait Luchino Visconti le 16 mars 1961 sur Paris Inter, France 1. C'était les années 60. Aujourd'hui, 1961, troisième émission. Documentation INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Annie Douel. Une émission de Philippe Garbi. Saturday's dance, would they crowded the floor? Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why stir up memories? Been invited on dates. Might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. À suivre.